Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Alors bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Bien content de vous retrouver pour cette deuxième émission de l'année 2017 finalement. J'espère que vous allez bien malgré, ma foi, les nouvelles quotidiennes, pluri-quotidiennes qui sortent concernant Trump et qui sont toutes décourageantes. oui, effectivement. Et après, si c'est pas jaune, c'est pas Rona l'entrepôt, on pourra dire si c'est pas jaune, c'est pas un trip avec Donald Trump. Non, c'est décourageant, je sais, c'est décourageant. Et une déclaration insignifiante par jour, au moins. Et depuis un certain temps, on insiste sur les gens qui composent son cabinet, enfin, qui composeront son cabinet. Et encore là, vraiment, là, pour une fois, cabinet, le bon mot, écoutez bien. Une secrétaire à l'éducation qui s'oppose au financement de l'école publique et qui est en faveur du travail des enfants. Un procureur général qui est raciste, un représentant de la diplomatie qui est en affaire avec Poutine, un secrétaire à l'énergie qui voulait abolir le ministère, un secrétaire au travail qui ne croit pas à l'intervention de l'État, un secrétaire à la santé qui veut lutter contre l'Obamacare, d'ailleurs ça achève, un climato-sceptique à l'environnement et un idiot comme secrétaire au logement. C'est absolument magnifique. Et pendant ce temps-là, ben Obama se prépare, lui, à quitter avec aucun scandale personnel en 8 ans, aucun. Alors que Trump n'est pas encore président, pas une seule seconde en fonction, il y en a 25 au derrière. Mais que voulez-vous, hein? Comme disait l'autre, c'est pas parce que tu mets une couronne à un clown que ça en fait un roi. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certaine n'est pas bâtie. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir ce souverain. Il peut dormir ce souverain. Sur ses deux oreilles sereines. Sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Je tue il est le nouveau île. Je tue il est le nouveau île. Je pense qu'on me voit venir avec ça, hein. Le titre est assez clair. Alors oui, hein, bienvenue à Econophile malgré tout, et on va vous remonter le moral en vous disant que ce qu'il en est sur le plan économique, en démystifiant le tout, hein, et si vous avez envie d'échanger avec nous d'ailleurs, c'est possible, facebook.com/Econophile891. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, et puis vous trouverez le blog de l'émission sous le bandeau, on voit le bouton « En savoir davantage », vous cliquez et vous vous retrouvez sur le blog. Et vous y trouvez donc la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions » pour écouter ou réécouter quand bon vous semble. Et puis, toujours sur le blog, vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question, histoire d'acheter autre chose dans la vie que, par exemple, je sais pas moi, le travail pas cher de la main-d'œuvre polonaise dont on sert pour construire une tour à New York. Une idée comme ça. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverse qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Ah oui. J'ai quand même utilisé volontairement le mot con à quelques reprises depuis le début, mais le mot démystifier l'économie plutôt, effectivement. Le concept de l'émission, vous le connaissez, c'est de présenter un livre et un invité chaque semaine. Et cette semaine, le livre s'intitule « L'économie démystifiée », un beau bouquin de 400 pages qui est une sorte de cours d'économie. Mais un cours d'économie d'une manière pédagogique, et pour moi, c'est pas péjoratif, loin de là. C'est-à-dire qu'on vous écrit ça de manière très claire, de manière très simple, on vous prend par la main, mais sans vous prendre pour un imbécile. C'est là une importante nuance, à mon avis. L'auteur, c'est l'économiste Jean-Claude Cloutier, qui est avec nous cette semaine en studio. On va discuter avec lui dans quelques instants. Et on pourra vous annoncer un peu plus tard qu'il risque d'être là pas mal souvent, idéalement chaque semaine jusqu'à la fin de la saison. Alors, bonne émission à tous. Alors oui, l'économie démystifiée de Jean-Claude Cloutier, effectivement. Livre qui vous met dans le contexte où on va parler d'économie, oui, démystifiée, certes. Ça veut dire donc qu'elle est mystifiée, oui, ça, sûrement, on pourra en discuter. Et d'entrée de jeu, j'aime beaucoup, souvent ça me parle, moi, quand on s'intéresse à l'avant-propos, quand on essaie de mettre en contexte, et il le fait fort bien. Alors voici par rapport à ça. De façon plus globale, j'avais l'impression que l'économie prenait une place exagérée dans l'espace public. Comme si tout dans la vie des personnes et des sociétés devait être orienté et conditionné par la croissance économique. N'avait-on pas succombé à un économisme qui occultait toute autre aspiration collective ou réalité humaine? En corollaire, n'attendait-on pas un peu trop de la science économique et des économistes? En même temps, j'étais étonné de constater comment une grande partie de la population se sentait impuissante à comprendre les ressorts de l'économie et était réticente à toute démonstration comportant des chiffres, ce qui la laissait grandement vulnérable aux explications simplistes et aux solutions idéologiques. C'est un peu cette démission de la population, en même temps qu'une certaine exaspération qu'exprimait Pierre Foglia dans une chronique. Avouez que juste avec ce petit début, on se reconnaît. Si vous avez écouté l'émission moindrement un peu, c'est vraiment cet esprit-là. Hein? On veut aller au-delà des chiffres, sortir de ça et démystifier le tout. Alors, Foglia écrivait « Un mort, deux blessés dans un accident sur la 40. » Puis on passe à l'actualité internationale. Puis une chronique culturelle. La critique est allée voir un film qu'elle a trouvé un peu long. Et on arrive aux nouvelles économiques. Des faits, des chiffres. Ah, mon Dieu, en veux-tu des chiffres? Mais personne pour nous mettre en garde. Ni de bandeau en haut de la page ou de l'écran pour nous dire « Attention, attention, on vient de changer de registre. Les faits, les chiffres que l'on vous livre maintenant, pour être aussi rigoureux que dans un mort, deux blessés sur la 40, ne sont pourtant pas aussi indubitables. Attention, ils servent un discours, je ne sais plus où j'ai lu. Je l'ai lu, ils servent un monologue idéologique. Ils servent une vérité, pardon, la vérité économique. » Ça aussi, c'est des choses qu'on dit souvent. Je ne sais rien de l'économie, mais il y a un truc que je sais. Quand Gérald Filion dit, par exemple, les finances publiques sont à terre, il faut couper, austérité, austérité, en ayant l'air d'énoncer un fait aussi incontournable que un mort et deux blessés sur la 40, ce n'est pas de l'économie, c'est de l'idéologie. Le même monologue idéologique, soir après soir, et soir après soir, l'austérité, ce putain de clou rouillé, nous rentre un peu plus dans le cul. Tiens-toi. Là, je reconnais Foglia. Il poursuit, Lispayet exprimait également des sentiments mitigés à l'endroit des économistes et de l'économie quand elle écrivait « Quant au ministre des Finances, je ne suis pas arrivé encore à saisir vraiment de quoi il parle. » Bref, la perception et l'utilisation de la science économique et des économistes sur la place publique me causaient un certain malaise. L'idée m'est donc venue de mettre sur papier les réflexions et les considérations que m'inspiraient ces questions, d'où le présent ouvrage. Il s'agit d'un essai en ce sens que j'y avance des idées sans prétendre en faire un tour exhaustif et encore moins en faire des démonstrations irréfutables. Il s'agit avant tout des propos d'un économiste professionnel qui se penche sur l'économie et sur la science économique en espérant contribuer quelque peu à éclairer les débats sur certains enjeux de notre époque et peut-être surtout contribuer à déboulonner la perception largement répandue voulant qu'une compréhension minimale de l'économie soit inaccessible au commun des mortels. Si tel était le cas, ce serait inquiétant pour le débat démocratique. Heureusement, il n'en est rien, d'où l'importance de démystifier l'économie. C'est le but du présent ouvrage. Comme je disais, l'avant-propos situe très bien la chose. J'ai peut-être coupé un peu l'herbe sous le pied, vous voulez peut-être m'en parler, mais je vais lui poser les questions de toute façon. Jean-Claude Cloutier, de l'autre côté de la vitre. Bonjour Jean-Claude. Bonjour David. Bienvenue à l'émission, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Et peut-être juste pour commencer, oui, bien sûr, la chose a été expliquée dans l'avant-propos, à savoir, il y a de la mystification, il y a de l'opacité, et ça, je le répète depuis le début de la saison à l'émission, il y a de l'opacité, même certains le disent très clairement, entre autres Yannick Marcel avait dit, c'est probablement pas mal volontaire, cette espèce d'opacité autour de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, l'économiste Jean-Claude Cloutier? Oui, bien, effectivement, vous l'avez assez bien expliqué tantôt en rappelant l'avant-propos. Un des buts que je m'étais fixé en écrivant ce livre, c'était justement de montrer, dans le fond, que malgré le vocabulaire, le jargon des économistes, comme toute profession, ont un certain jargon professionnel, je pense souvent l'économie, dans le fond, ça devrait être plus simple que ça. Ça devrait être expliqué de façon plus simple pour que le citoyen ordinaire puisse comprendre de quoi il s'agit, qu'il ne soit pas effectivement victime de mystification. Donc, c'est pour ça que le livre, dans le fond, c'est sûr qu'on ne passera pas ça en revue aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long, mais par exemple, il y a un premier chapitre qui porte sur des notions comme la production, la productivité, les indices, par exemple, comme l'indice du prix de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? L'essayer de le faire comprendre en termes simples. Mais je pense aussi, David, vous avez bien identifié en introduction tantôt, un autre aspect qui m'apparaissait important, puis j'ai hésité dans le titre de l'ouvrage entre l'économie démystifiée, mais ça aurait pu être aussi l'économie démythifiée. Oui. Pour faire peut-être, ça a presque l'air d'un jeu de mots, mais ça n'en est pas un, c'est parce que je pense aussi qu'il y a une espèce d'obsession par l'économie, par la croissance, ce qu'on certains appellent l'économiste, c'est-à-dire qu'on prête des pouvoirs, une connaissance, une science aux économistes que dans le fond, ils n'ont pas. Les économistes, souvent, et je suis bien parler, penser, bien placé pour le penser ou le dire, c'est qu'on est dans le noir aussi bien que n'importe quel autre professionnel ou n'importe quel citoyen. Je dis quelque part dans le livre, par exemple, que les économistes sont, je pense, sont assez bons quand même pour expliquer comment on en est arrivé là. Par exemple, expliquer jusqu'à un certain point le passé, qu'est-ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, mais pour dire qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, puis qu'est-ce, pour dire, par exemple, prendre un exemple que vous avez apporté tantôt, qu'est-ce qui va arriver à l'économie américaine, ouais, ou canadienne ou mondiale avec l'arrivée de Trump. Là, tout le monde est un peu dans le cirage, y compris les économistes. Oui, parce que c'est facile de prédire la catastrophe, mais en même temps, on a souvent aussi prédit la fin du capitalisme en disant il va s'autodétruire avec le temps. Puis c'est drôle, il trouve toujours le moyen de s'adapter, d'évoluer, de... Ouais, c'est ça, il survit, finalement. Exactement, il y a une bonne résilience. Tout à fait, et est capable de s'adapter aux situations pas mal plus que les autres. Vous avez parlé de croissance, et c'est très certainement, pour l'avoir aussi évoqué à l'émission souvent, la croissance qui m'apparaît comme étant une obsession, une vraie obsession. Il n'y a aucun politicien qui va se présenter en campagne électorale en disant « Moi, la croissance, ça me préoccupe pas vraiment, je m'en occuperai pas. » S'il fait ça, il va être battu, il n'y a aucune chance. Ça veut donc dire que la croissance, c'est vraiment une clé maîtresse dans l'économie. On a l'impression que ça passe par là ou rien du tout, là. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est par contre, je pense que c'est une invention relativement récente, cette obsession pour la croissance, relativement récente au sens de l'histoire de l'humanité, là, qui, oui, remonte quand même à 40 millions ou à peu près, mais récente au sens, par exemple, que certaines estimations étaient faites qui sont assez fascinantes à l'effet que la production mondiale, si on peut dire, là, était à peu près sans croissance pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à peu près à la révolution industrielle autour de 1800. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à partir des années 1800 ou à peu près? La croissance s'est accélérée. En fait, la croissance est apparue parce qu'avant, il n'y avait pratiquement aucune croissance. L'économie était plus ou moins stationnaire dans tous les pays, un peu partout sur la Terre. Donc, et on a pris un peu goût à ça. C'est devenu un peu comme une drogue. On s'est habitué à ça. Puis les politiciens et les gens d'affaires ont trouvé ça très intéressant parce que la croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous évite d'avoir à faire des choix difficiles. Pour le politicien, là, si la production augmente, si la richesse augmente, ben là, vous n'êtes pas obligé de choisir à qui est-ce que je vais donner la production, à qui est-ce que je vais aider, qui est-ce que je vais soutenir. Il peut en avoir pour tout le monde. Donc, ça fait l'affaire du politicien, ça fait l'affaire des gens d'affaires aussi, parce que leurs marchés sont en croissance. Donc, ils n'ont pas à se tailler une place dans un marché qui est restreint, qui est stationnaire. Le marché est en expansion, donc il peut y avoir de la place pour plusieurs concurrents. Donc, ça permet de donner bonbons par-ci, par-là, on peut dire. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'il me venait à l'idée que ça force aussi les choix, ça permet de aussi, ça, en fait, ça donne une raison pour faire certains choix, la croissance. Ah, vous comprenez, il faut faire ça parce que, hein, on est préoccupé par la croissance. Ben, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur certains facteurs propices à la croissance. Puis, comme je disais tantôt, il n'y a pas nécessairement consensus là-dessus. Il y a des voix qu'on entend plus souvent. Il y a des gens, par exemple, qui vont mettre, c'est ce qu'on appelle en général l'école néolibérale, dont on a beaucoup entendu parler depuis une trentaine d'années, qui vont dire, si on veut favoriser la croissance, il faut baisser les impôts, il faut que l'État soit moins important, il faut qu'il y ait moins de réglementation. C'est un point de vue. Il y a peut-être un fondement de vérité là-dedans, mais c'est pas nécessairement démontré. C'est pas vrai partout. On peut trouver plein d'exemples et des exemples actuels, tout comme on peut en trouver dans l'histoire, d'États, de pays qui ont très bien fonctionné avec des taux d'imposition, de réglementation relativement élevés. Puis on peut trouver l'exemple inverse aussi, des pays où il y avait très peu d'États, puis ça allait très bien. Puis on peut trouver des pays où il y avait très peu d'États, puis ça allait très mal. Puis on en connaît encore aujourd'hui, où il y a très peu d'États, puis ça va très, très mal. Donc, il n'y a peut-être pas de recette absolue, là, valide tout le temps et dans tous les pays. Mais c'est effectivement, comme vous l'avez dit, David, les politiciens peuvent un peu instrumentaliser, peuvent trouver parmi l'ensemble des théories économiques ou des théoriciens de l'économie, prendre celui ou celle qui fait leur affaire et dire, ben voyez, Milton Friedman a dit ça, ou Keynes a dit, ouais, ça, ou Marx a dit ça, puis ça n'a pas marché, ou ça a marché. Donc, il y a un peu, chez les politiciens, selon leur idéologie, selon leur préférence, selon à qui ils veulent plaire, ils peuvent choisir plusieurs recettes, finalement. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. Je me répète un peu, mais je pense que c'est à chaque société, c'est à chaque pays, à chaque État de trouver la formule qui convient à sa population. Et si on peut se permettre, on a le temps, ici, on peut se permettre de fantasmer ou d'imaginer, est-ce que ça se peut, une économie où à croissance zéro ou même en décroissance, est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer cette folie-là? Présentement, c'est très, très difficile parce que, comme pour la raison qu'on vient de mentionner tantôt, il y a comme une intoxication de la croissance. On prend ça un peu pour acquis, comme une loi de la nature, même si c'est une invention, encore une fois, c'est un phénomène historique relativement récent. Donc, justement, pour la même raison, on peut facilement regarder l'histoire puis dire, pendant des milliers d'années, beaucoup de sociétés ont fonctionné avec une croissance, elles fait pas de croissance du tout. Prenez le cas de la Chine, c'était le cas, par exemple, à l'arrivée des Européens, là, au 16e siècle. La Chine était en état stationnaire depuis 2 ou 3 000 ans, puis ça allait relativement bien. La Chine était même en avance de beaucoup sur l'Europe en termes de la technique puis de la stabilité de la société. Vous avez une nation amérindienne, en Amérique du Nord, qui ont fonctionné sans croissance, avec un mode de vie plutôt stationnaire, plutôt le même, mais ça fonctionnait. En tout cas, on n'était pas là pour vraiment juger, mais ça semblait quand même relativement en équilibre, fonctionnait relativement bien. C'est possible d'imaginer ça. Décroissance, évidemment, ça fait peur et avec raison, mais décroissance est certainement une période difficile à passer pour quelle que soit la société, mais il est quand même presque ironique de penser qu'on a connu ça lors de la Grande Peste en Europe. Il y a des pays en Europe, il y a des villes dans le nord de l'Italie qui ont perdu près de la moitié de leur population. Ça a été une catastrophe au plan économique. Évidemment, la production a baissé très rapidement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les décennies qui ont suivi, c'était des périodes de croissance également extraordinaires. Parce qu'on avait à rebâtir le pays, on avait reconstruit, on avait recréé de nouveaux débouchés. C'était le cas également de la Grande Crise des années 30. Il y a plusieurs théories là-dessus. Comment est-ce qu'elle a terminé? Est-ce que c'est à cause des politiques gouvernementales de type keynésien ou peut-être à cause de la Deuxième Guerre mondiale? Il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais reste que la plus grande crise de l'histoire moderne, c'est celle des années 30. Il y a eu des taux de chômage de 20 % 30 % même aux États-Unis. Mais ça a été suivi par une période de croissance extraordinaire. C'est les 30 glorieuses de 1945 à 1975. Donc, même une décroissance peut faire mal pendant quelques années, mais elle peut être suivie par une espèce d'embellie remarquable aussi. Oui, la création par la destruction. Mais en même temps, bon, la croissance qui peut aussi faire peur, par contre, c'est qu'on se dit, bon, ben si on a cette envie, cette nécessité absolue, entre guillemets, d'avoir de la croissance, ça veut dire, ben, les ressources, on se gâte. Et là, il y a des limites. Là, il y a des limites sur les ressources. Oui, ça, c'est une des choses, évidemment, tout le monde le dit, ben, pas tout le monde, mais beaucoup d'observateurs, beaucoup de gens sérieux, de scientifiques nous le disent. Je pense que la population, on est de plus en plus convaincus qu'on se dirige vers un mur au niveau de l'utilisation des ressources. Ça se manifeste beaucoup par les changements climatiques, par un péril assez important qui menace même, à la limite, l'humanité. Quoi qu'il y en a qui y croient pas, là, mais... Il y a encore quelques climato-sceptiques, mais je pense qu'on va arriver nécessairement... On y arrive déjà un peu. Quoique l'échéance est toujours reportée. Tantôt, Brassens parlait des cons des neiges d'antan. Je ne sais pas si je suis con, mais je suis un peu des neiges d'antan. Puis je me souviens très bien du Club de Rome des années 70. À l'époque, j'avais 25 ans. Ça nous inquiétait beaucoup parce que le Club de Rome prédisait qu'en l'an 2000, ce serait la pénurie de tout. Plus d'énergie, plus de matières premières, rien. On a réussi à passer le cap sans trop de problèmes, mais il reste que c'est physique, on ne peut pas y échapper. Tôt ou tard, on va arriver à la limite des ressources, puis on ne pourra pas aller plus loin. Ce qui peut nous sauver, mais c'est que c'est la démographie. C'est souvent présenté par les politiciens comme un problème, le recul démographique, mais dans le fond, c'est peut-être la solution. C'est-à-dire, s'il y a moins de personnes sur la Terre, ben forcément, il y a moins de consommation, on va moins empiéter sur les ressources, on va avoir moins besoin de ressources et d'énergie. Donc, ça pourrait être une façon, finalement, de s'adapter, là, en tout cas, de vivre la transition vers une espèce d'arrêt de la croissance globale. De l'économie mondiale. Oui, parce qu'en chiffre absolu, la population reste qu'elle est en croissance absolue. Ça, c'est pas parti pour arrêter demain matin. Elle pourrait. Les prévisions ça pourrait croître jusqu'à l'an 2050 à peu près. Donc, il y a encore quelques décennies avant que ça se stabilise. Et il y a une chose intéressante aussi, et ça, vous en faites mention dans le livre, c'est-à-dire qu'on associe d'ailleurs automatiquement croissance et développement économique. On les marie. Pourtant, il y a des nuances, là. Oui, il y a des nuances importantes, mais c'est un peu une différence, finalement, entre le quantitatif, la croissance, c'est qu'on veut que les chiffres augmentent tout le temps, la production nationale augmente, puis le développement sera plus d'ordre qualitatif, c'est-à-dire que la croissance est moins intéressante si elle ne se traduit pas par une amélioration de la qualité de vie, par exemple, ou même la... pour parler juste de variables économiques, une transformation de la structure industrielle. C'est un problème que vivent bien des pays. Des pays ont des ressources naturelles qu'elles exploitent. Prenons un exemple extrême, l'Arabie saoudite, qui a des ressources formidables en pétrole. Mais si l'économie ne fait que croître parce qu'on vend davantage de paris de pétrole ou de tonnes de minerais de fer, puis qu'on n'a jamais d'autres activités économiques, bien là, on manque une occasion de se développer. C'est-à-dire une économie développée n'aura pas seulement de la production primaire, au niveau agricole, au niveau forestier, au niveau minier, au niveau pétrolier, mais également des industries manufacturières, également des services, puis également de la création. Et faire une petite digression sur l'économie du Québec. L'économie du Québec a quand même l'avantage d'être assez diversifiée. Justement, on est présent à tous ces stades de développement. On est assez fort dans les ressources. On aime ça le rappeler, puis à juste titre, notamment les ressources hydroélectriques. Mais on a également des grands créateurs au Québec. C'est un des. Puis on a évidemment également du secteur manufacturier, puis des services qui sont très développés. Donc, une économie bien développée, c'est une économie qui est présente dans différents volets d'activité économique, mais c'est également une économie qui permet à sa population, à tous les citoyens, de se développer eux-mêmes par l'éducation, par la santé. Et pourtant, dans le discours qu'on entend, reste que, même journalistiquement parlant, quand on va écouter une émission d'économie, on va beaucoup parler des chiffres, des rendements, du secteur des affaires. Si je parle développement économique, je suis certain que les gens qui nous écoutent pensent homme d'affaires à cravate, de l'argent, puis des entreprises. Pourtant, faire du développement économique, ceux qui font et qui veulent réussir dans le développement économique savent maintenant que la qualité de vie, ça veut dire faut avoir des installations. Par exemple, si on parle de développement économique d'une ville, si t'as pas d'installation intéressante, si t'as pas un milieu d'accueil, si t'as pas de l'éducation intéressante pour les travailleurs qui viennent avec leur famille, ben ton développement économique, il en pâtit. Ben vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des choses que moi, je voulais démystifier avec le livre, mais je ne suis pas le seul à en parler quand même. C'est des choses qu'on entend régulièrement. C'est toute la notion, effectivement, de est-ce qu'on va mesurer le progrès d'une société à partir de chiffres comme le PIB, la production nationale, le produit intérieur brut, qui sont essentiellement des chiffres. Plus le chiffre est gros, plus qu'on est content, ou si on va plutôt regarder d'autres indicateurs. Des indicateurs de qualité de vie. Et ce qui est intéressant, encore là, c'est que souvent, on va blâmer l'économie du Québec, on va blâmer le Québec d'être assez peu performant au niveau quantitatif, au niveau du PIB, par exemple, ou du PIB per capita. Mais si on... Et le Québec, certains politiciens aiment bien rappeler que le Québec se situe très loin en Amérique du Nord, derrière la plupart des provinces. Certains nous situent même juste l'avant-dernier rang, avant l'île du Prince-Édouard et avant, je pense, le Mississippi ou la Louisiane. Pluton, après, collé sur Pluton. Mais par contre, si vous prenez un autre indicateur, puis c'est là que ça devient un peu des choix politiques discutables, si vous prenez plutôt l'indicateur de la qualité de vie ou du... On sait pourtant encore que les Anglais appellent ça, les milieux anglophones appellent ça life satisfaction. On traduit parfois en français comme le bonheur ou la satisfaction des gens. Mais en tout cas, appelons ça qualité de vie ou bonheur de vivre des citoyens. Ben, l'indice relatif du bonheur, on entend beaucoup parler quand même. Bon, l'indice relatif du bonheur, prenons cet indicateur-là, mais le Québec se classe parmi les meilleurs au monde. Souvent, derrière le Danemark, qui sont peut-être les deux champions du monde. Alors, si vous prenez un indicateur, vous êtes dans la cale en Amérique du Nord. Si vous prenez l'autre indicateur, vous êtes parmi les meilleurs au monde. Alors, puis c'est la même économie dont on parle, c'est les mêmes citoyens. Alors, tout dépend un peu de la lunette qu'on prend, tout dépend du critère qu'on prend pour juger du progrès d'une société. Alors, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. C'est David Lemelin au micro avec Jean-Claude Cloutier, l'économiste, comme invité. Extrait du livre « L'économie démystifiée ». Et on a parlé donc de croissance depuis tantôt à l'émission. Effectivement, chose importante, toutes sortes de clés qui vous sont données tout au cours de la lecture de cet ouvrage-là pour comprendre les concepts, les nuances qu'il faut y apporter. Puis lorsqu'on a franchi la moitié du livre, ben on a un peu son cours d'économie 101, quelque part, sur les concepts, le vocabulaire, ces choses-là. On parle du marché, PIB, richesse, productivité. Et puis, incontournable, moi, j'ai une petite... c'est un sujet de préoccupation, la finance. Ah, la finance, la financiarisation qui est omniprésente. Hein, on peut difficilement tenir un discours politique aujourd'hui sans, à un moment donné ou à un autre, parler de financiarisation de la cote de crédit. C'est déjà arrivé qu'il y avait un débat sur scène et que le candidat dise « Ah, la cote Moody's, faut s'inquiéter de ça, la cote Moody's. » Alors, au sujet de la financiarisation, hein, l'auteur écrit ceci. « L'étonnante montée en puissance du secteur financier. La finance a pris une importance considérable dans le monde économique. Bien sûr, depuis des temps immémoriaux, les entrepreneurs, les gouvernements et les consommateurs comptent sur des prêteurs, incluant des usuriers prêtant sur gage. Et un peu plus récemment, mais cela remonte quand même à plusieurs siècles, ils peuvent aussi compter sur des intermédiaires financiers pouvant recueillir l'épargne des uns pour la prêter à ceux qui en ont un besoin pressant. Les banques ont joué ce rôle d'intermédiaire, mais la sophistication et la multiplication des instruments financiers, cette fonction de passeur entre créanciers et débiteurs s'est élargie aux assureurs, aux maisons de courtage, aux caisses de retraite, aux prêteurs hypothécaires, aux fonds d'investissement, aux fonds souverains, aux marchés à terme, etc., etc. Et un grand nombre de fonctions de soutien se sont créées pour aider un bon fonctionnement du marché financier. Agences de notation, courtiers, conseillers financiers. De sorte qu'aujourd'hui, le capital financier représenterait le double, c'est intéressant, écoutez ça, là, le double de la valeur du capital réel. Ce qui revient à dire que l'économie mondiale est dans une situation un peu similaire à celle d'un propriétaire de maison qui a une dette hypothécaire s'élevant au double de la valeur marchande de sa propriété. Manifestement, plusieurs épargnants s'illusionnent sur la valeur réelle de leur placement. Heureusement, à moins d'une panique financière, il est peu probable que tous se ruent en même temps pour liquider leur placement et réaliser du même coup qu'ils étaient beaucoup moins riches que ce qu'ils pensaient. Effectivement, bon, ça, on fantasme des fois là-dessus en disant « si tout le monde allait en même temps retirer ses affaires, ses billes, effectivement, on aurait un problème. » On n'en est pas là. C'est la raison pour laquelle on est capable de continuer à vivre ainsi. Donc, il y a une grande partie de l'économie qui se joue en dehors de la patinoire, si vous voulez, en dehors de votre portée. C'est important malgré tout parce que ça finit par avoir un impact quand même du côté de l'économie réelle, si je puis dire. Et d'ailleurs, on l'a évoqué, c'est pour ça que plusieurs vont surveiller de très, très près les choix de Trump en ce qui a trait à la réglementation, à l'encadrement du secteur financier. Il a déjà annoncé ses couleurs. Il va en avoir moins de la réglementation, moins d'encadrement. Et ben, le connaissant, ben, ça va peut-être se planter, on peut se permettre de le penser. Donc, financiarisation. Et puis, dans son livre aussi, ben, ça, on l'a évoqué rapidement tantôt, l'auteur parle spécifiquement du cas du Québec. Donc, on parle largement, on vous explique les concepts, on parle de quelques enjeux clés. Puis, on arrive au cas du Québec, vraiment pour encore plus à fond comprendre ben, de quelle façon ça nous concerne. Pas pour nous dire qu'on est évidemment tous des pas bons, mais pas non plus pour nous dire que nous sommes les plus meilleurs, les great great. Là. C'est pas ça du tout. Alors, à ce propos-là sur l'économie du Québec, il dit ceci. La performance du Québec devient davantage encourageante quand elle est jugée à partir de variables liées à la qualité de vie. On l'a évoqué. Espérance de vie, sentiment de sécurité, bonheur de vivre, temps de loisirs, ça compte ça. Au jeu des comparaisons, le Québec s'en tire beaucoup mieux, au point que sa performance dépasse celle de la plupart des provinces ou des États et serait même, à certains égards, un des endroits les plus heureux de la planète. Apparemment, les Québécois ignorent que la performance de leur économie est décevante et devrait les isoler. Hein? Bon, c'est peut-être une bonne chose. Donc, on peut porter toutes sortes de jugements sur la performance passée ou actuelle de l'économie québécoise. Ces jugements sont forcément conditionnés par les critères, quand ce n'est l'idéologie, sur lesquels ils s'appuient. Le choix des variables, des pays et des périodes peut aussi affecter grandement le résultat des comparaisons. En réalité, il est difficile de faire une évaluation indiscutable de la performance québécoise comme de celle de toute autre société. Si en matière économique, les sociétés doivent poursuivre à la fois la croissance de la richesse et sa répartition, on peut raisonnablement conclure que le Québec a été au mieux moyen pour les premiers objectifs et plutôt performant pour le deuxième. Thank you. j'ai pas osé le couper. Une petite composition de mon garçon, imaginez-vous donc. Quand même. Oui, bravo Charles. Poursuivons la discussion avec l'économiste Jean-Claude Cloutier. On épluche son ouvrage. On parlait de l'économie du Québec, Jean-Claude, et on a parlé du fait qu'on n'est peut-être pas si mauvais que ça, dans le fond, quand on parle de qualité de vie. Mais il faut aussi quand même aborder, et ça c'est fait dans l'ouvrage, les contraintes. Oui, bien, je pense qu'il y a des contraintes dont on parle à peu près jamais sur la place publique. Et moi, ça me surprend toujours, puis ça me choque un petit peu, dans le fond. Le discours politique dominant, c'est qu'on va se désoler que le Québec, par exemple, n'ait pas la même performance en termes de productivité ou de production per capita que l'Ontario, ou pire, que l'Alberta, ou que l'État de New York, ou que la Californie. Mais ça fait abstraction de contraintes, par exemple, comme la géographie. Ça fait abstraction du fait que le Québec peut pas... Avec la Californie, oui. Hein? Ouais. En tout cas, aujourd'hui, ça paraît particulièrement. Ouais, mais ouais. C'est parce que, prenons juste l'exemple de l'agriculture, ou même la forêt, les arbres ou le blé ou le maïs poussent moins vite au Québec qu'en Californie ou quand même dans la Pennsylvanie ou dans le sud de l'Ontario pour des raisons géographiques et climatiques évidentes. Et ça, c'est un handicap qu'on a et avec lequel il faut vivre. Bon, quand on faisait le commerce des fourrures il y a 300 ans, c'était pas trop grave. Au contraire, c'était même un avantage parce que les fourrures étaient plus épaisses ici que dans le sud. Mais c'est plus un avantage maintenant. Et moi, j'aimerais mieux qu'on nous compare par rapport au Maine, au New Hampshire, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve, qui ont le même problème que nous, qui sont au nord-est du continent, qui sont à une latitude assez nordique. Et je pense que là, quand on se compare aux provinces maritimes ou à certains États de la Nouvelle-Angleterre, ben ça soutient très bien la comparaison. Le Maine n'a à peu près pas connu de croissance de population depuis 150 ans. Donc, c'est pas une performance beaucoup plus éclatante que celle du Québec. On pourrait embarquer des facteurs aussi institutionnels, historiques, mais aussi le fait que le Québec, ce dont il faut se rappeler, c'est que même sa morphologie est contraignante, parce que le Québec, on aime bien ça dire que c'est trois fois grand comme la France, quatre fois grand comme le Royaume-Uni, mais on oublie que le Québec habitable, c'est grand comme les Pays-Bas, c'est-à-dire c'est une bande de terre de 30 km de chaque côté du Saint-Laurent. C'est quand même très peu comme possibilité d'habitat facile et donc cultivable également. Donc, il faut quand même relativiser les choses puis dire que le Québec avait quand même des contraintes. Il y a toujours des contraintes et on s'en est, malgré tout, je pense, relativement bien tiré si on tient compte du fait que c'était peut-être pas si facile. C'était en tout cas peut-être moins facile ici que dans d'autres États avec lesquels, ou d'autres provinces avec lesquelles on aime se comparer. Et en tout cas, il y a l'Ontario à tout le monde. C'est sûr que l'Alberta, c'est un cas particulier parce qu'on est capable de comprendre, en tout cas, oui, hein? De comprendre qu'il y a le pétrole qui est un facteur déterminant. Mais on se compare beaucoup à l'Ontario et on le vit, je trouve, en tout cas dans ma perception médiatique de la chose, un peu comme un handicap. Hein? On souffre de la comparaison ontarienne. Oui, mais on va peut-être moins souffrir à l'avenir parce que, je l'ai mentionné un peu tantôt dans une intervention précédente, c'est un phénomène auquel on n'en parle pas souvent sur la place publique, mais l'économie du Québec est relativement diversifiée, peut-être plus diversifiée que l'Ontario. L'Ontario a eu deux grandes chances, c'est-à-dire jusqu'à disons, au début des années 60, le Québec, Montréal est encore la métropole du Canada, et le Québec est encore un pôle important au Canada, mais avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, et avec l'accord sur le pacte automobile qui a permis la circulation de l'intégration nord-américaine de l'automobile, ça a beaucoup profité à l'Ontario. Dorénavant, les bateaux ont pu plus facilement se rendre jusqu'à Toronto ou même au lac supérieur ou enfin dans les différents grands lacs. Et le pacte automobile a beaucoup aidé l'industrie automobile, l'industrie ontarienne à se développer. Oui, Bernard Landry le disait souvent ça. C'est ça, mais ça on l'oublie aujourd'hui parce que d'abord, Bernard Landry est moins présent dans l'actualité, mais aussi parce que ça commence à l'histoire ancienne. Mais là, je voulais en venir, c'est que l'automobile, c'est beaucoup moins intéressant aujourd'hui que ça l'était, surtout avec un monsieur Trump qui dit qu'il veut tout rapatrier ça aux États-Unis. Enfin, je ne sais pas s'il va réussir. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va affecter l'économie ontarienne, mais je pense que l'économie québécoise, qui, elle, a misé sur une plus grande diversité, peut-être parce qu'on n'a pas le choix, mais le résultat est là, c'est qu'on est plus implanté dans différents domaines manufacturiers ou de services, et notamment l'aéronautique, bien sûr, et surtout et également la création de jeux vidéo, qui est très important à Québec et à Montréal présentement, et qui fait que le Québec, l'économie du Québec, est, je ne dirais pas une puissance, mais c'est quand même un des centres de production importante dans ce genre d'industrie, dans le fond, très actuelle et qui sont encore en développement présentement. Donc, possiblement qu'on rattrapera une certaine partie du retard qu'on a pris par rapport à l'Ontario au cours des dernières années. Je pense que c'est en train de se faire là, présentement. Mais du reste, si rapidement, là, mais quand on parle de protectionnisme américain, ça, avec une économie nord-américaine, la nôtre, en tout cas celle du Québec et du Canada, dépend beaucoup des exportations vers les Américains. C'est sûr qu'il y a des gens nerveux à l'heure actuelle, là. C'est clair. Oui, on le voit très bien, surtout dans l'industrie du boîtiage, là, ça revient un peu comme la comète de Halley, là, toutes les 7 ou 8 ans, là, on fait face à des mesures de représailles, des mesures protectionnistes américaines. Oui, c'est inquiétant pour l'industrie forestière, mais peut-être aussi pour bien d'autres secteurs. Mais il reste que, moi, je lisais récemment, un de mes collègues m'a envoyé ça, là, par courriel, une information intéressante, c'est que l'économie mondiale s'est beaucoup transformé avec les accords de commerce au fil des dernières décennies, de sorte que même les grandes entreprises américaines présentement sont extrêmement dépendantes des importations. Les produits, il y a certains produits qui traversent la frontière canado-américaine 5-6 fois, c'est-à-dire qu'on part d'une première pièce qui est envoyée aux États-Unis, que là on ajoute une autre pièce, ça devient un module, on retourne ça au Canada pour ajouter quelque chose d'autre, puis on le retourne aux États-Unis, puis finalement après 5 ou 6 passages de la frontière, ça devient un produit fini, qui est peut-être au Canada ou aux États-Unis, mais peu importe. C'est le cas de l'automobile, entre autres. C'est le cas de l'aluminium aussi. Il reste que M. Trump pourrait pas, je pense, fermer la frontière, en tout cas, mettre des tarifs exorbitants par rapport aux imports, au commerce entre les États-Unis, le Canada et les États-Unis, sans faire face à une levée de bouclier de la part de ses propres industriels, parce qu'ils vont dire, écoutez, M. Trump, ça n'a pas de bon sens, là. On s'approvisionne beaucoup déjà au Canada. Alors, on peut pas remettre ça en cause du jour au lendemain. Mais ce serait vraiment pas efficace au point de vue économique. Je vais faire digression un peu, mais en même temps utiliser des termes qui sont dans le bouquin, des explications de concepts, si on veut, parlant de richesse. Parce que la richesse, c'est une des choses dont on parle. Quand on parle de croissance, développement économique, c'est accolé à la richesse. Et souvent, il y a le discours ici, notamment au Québec. Au Québec, on fait pitié, on est trop taxé, puis on n'a pas assez de riches. On n'a pas assez de riches au Québec. Oui, ben c'est ça. Oui, ce qu'on veut dire dans le fond, c'est que on a glissé un mot tantôt aussi parmi les politiques, là, un peu les politiques chouchous qu'on entend souvent, c'est qu'il s'agit de baisser les impôts, puis automatiquement l'activité économique va démarrer, puis les gens vont investir, puis tout ça. Oui, il faut laisser les riches s'enrichir parce qu'on va tous en profiter. Il faut laisser les riches s'enrichir parce que ça a été inventé à l'époque de Reagan, du néolibéralisme. Il appelait ça l'effet de percolation, là, c'est-à-dire que le ruissellement en français plutôt. Oui. C'est-à-dire que l'argent des riches vont consommer, puis ça va finalement ça va se traduire par des emplois chez les gens un peu moins riches. Mais, ils savent ça en Suisse, au Fidji, puis ils savent ça bien les endroits de même. Oui, ben c'est peut-être ça qui s'est produit, qu'on n'avait pas prévu, que M. Reagan n'a pas prévu. Probablement, c'est qu'il place ça ailleurs, puis ça n'a pas tellement d'effet de ruissellement, finalement. C'est en partie vrai, je pense. Ce qu'on entend, puis ça a été repris par M. Legault, je pense, dernièrement, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de super riches là, au Québec qu'il y en a en Ontario ou peut-être en Alberta, disons. C'est peut-être dans le sens que... mais sauf que j'ai juste de... Comment dire... c'est plus la richesse, justement. Vous venez introduire la notion tantôt, David, et à juste titre, entre les revenus et la richesse. Souvent, peut-être dans le discours de M. Legault, mais peut-être chez d'autres aussi, on confond revenus et richesse. Peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas des très hauts revenus. Il n'y en a peut-être pas tant que ça au Québec comparativement à ce qui existe en Ontario, à Toronto, par exemple. Mais dans le fond, le véritable problème, c'est pas tellement les revenus, à mon avis. C'est plus la richesse. La richesse, c'est ce qu'on a accumulé. C'est la valeur, par exemple, de nos placements. C'est la valeur des immeubles qu'on possède, les héritages qu'on reçoit. Ça, c'est de la richesse. Et moi, je pense que l'avenir des sociétés, il va falloir revenir à ça. Il va falloir revenir à faire des ponctions fiscales là, dans la richesse parce que les revenus ne sont plus tellement au rendez-vous présentement. C'est dans l'actualité aujourd'hui, d'ailleurs. On dit que c'est 75% des Québécois qui gagnent moins de 50 000, je pense. C'est même rendu un problème mondial. D'ailleurs, le forum de Davos, en Suisse, la semaine prochaine, rendez-vous des grands financiers et des capitaines d'industrie puis des politiciens, c'est qu'un des thèmes de Davos cette année, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose parce que le marché du travail s'est beaucoup transformé, ça transforme encore. Et un des problèmes de la transformation du marché du travail, c'est que maintenant, que la richesse ou la valeur que l'on crée dans les économies, c'est pas les travailleurs qui l'accaparent, c'est les détenteurs de richesse, c'est-à-dire que ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui possèdent les robots, les machines. De plus en plus, les emplois intéressants sont remplacés par des ordinateurs, des robots, et c'est évidemment le propriétaire. Donc, celui qui possède le capital, posséder un robot, posséder une machine, posséder un ordinateur, c'est un capital, c'est de la richesse. Alors, lui accapare des profits, mais en même temps, on a éliminé du travail, on a éliminé des travailleurs. Le robot remplace un travailleur de sorte que la richesse ne circule plus par les salaires, elle circule par les profits. Conversation intéressante et je vais me diriger vers la conclusion du livre, hein, parce que évidemment on pourrait en parler encore très très très longtemps. Voici ce qu'il écrit, Monsieur Cloutier. Comme la plupart des autres économies développées, celle du Québec devra composer avec le ralentissement démographique. Ce défi n'est pas insurmontable à la condition qu'une hausse de la productivité soit au rendez-vous, notamment dans les services. En fait, le principal obstacle à la prospérité future du Québec est l'esprit d'entreprise insuffisant de sa population. Pour des raisons qui ont peut-être trait à la culture et à l'histoire, les Québécois sont beaucoup plus hésitants à se lancer en affaires que leurs concitoyens canadiens ou que les Américains. Cette carence entrepreneuriale se reflète notamment dans les résultats décevants des efforts faits par le Québec en matière de recherche et de développement. Malgré l'importance des ressources allouées à ce domaine, les résultats en matière d'innovation demeurent très limités. Mais les mentalités changent et il est permis d'espérer que les jeunes générations de Québécois seront davantage entreprenantes. Ils en ont la capacité compte tenu de leur haut niveau de scolarité. Ils n'auront de toute façon pas le choix puisqu'ils ne pourront pas compter autant que leurs parents sur les gouvernements pour leur offrir des postes de salariés. Même si les Québécois deviennent plus productifs et entreprenants, le potentiel de croissance de l'économie québécoise demeurera conditionné par un certain nombre de facteurs structurants avec lesquels il faudra composer. Ces facteurs ont trait, entre autres, à la géographie. La situation du Québec au coin nord-est du continent américain l'a bien servi dans le passé, mais il a de lourdes conséquences sur son potentiel de croissance. Ces conséquences peuvent être positives, comme la contiguïté au vaste marché des États-Unis. Elles peuvent aussi être négatives du fait que les pôles les plus dynamiques de croissance économique sont maintenant du côté du Pacifique, bien davantage que de l'Atlantique. Un autre facteur structurel important est celui de la langue française, qui distingue le Québec du reste de l'Amérique du Nord. Comme la géographie, ce facteur est ambivalent. Il constitue un frein à l'intégration des entrepreneurs québécois à des réseaux d'affaires élargis et il peut défavoriser l'immigration. En contrepartie, il facilite l'accès aux ressources et au marché de la francophonie mondiale et il peut aider à créer des produits et des services distinctifs. Alors allons-y de ce pas maintenant pour ces quelques dernières minutes, Jean-Claude. Parlons d'actualité, on va profiter de votre présence pour parler. On le fait hein, quand même, on émaille notre discours de référence à l'actualité. Il y a des choses intéressantes qui sont parues tout récemment, d'ailleurs j'ai vu ça hier. Moody's paye 864 millions pour tourner la page des subprimes. L'agence de notation va payer 864 millions pour solder des poursuites dues à son rôle dans l'évaluation erronée de titres immobiliers qui ont contribué à l'éclatement de la crise financière de 2008, a annoncé le département américain de la justice vendredi. C'est une bonne nouvelle, ça, c'est... Ben, un moindre mal, c'est... Curieusement, la chose qui m'étonne là-dedans, c'est le montant relativement faible de la pénalité. Bien sûr. Parce que 800 millions, c'est presque rien. Quand on se rappelle que la Caisse de dépôt et placement a perdu 40 milliards. Puis, une affaire de rien. Grave. Puis moi, je me souviens très bien, à l'époque, le PDG de Henri-Paul Rousseau, le PDG de la Caisse de dépôt, a dû porter le chapeau. Il a dû avouer en commission parlementaire, si je me souviens bien, qu'eux, oui. ils connaissaient... Ils ne savaient pas trop c'était quoi les papiers commerciaux. C'était pour eux difficile à évaluer. Et puis je ne veux pas dire que M. Rousseau était plus bête que d'autres. Bien au contraire, c'est un type très brillant. Mais la plupart des clients ne savaient pas trop. Puis ils sont fiés un peu sur les agences de notation, Standard & Poor's et Moody's, pour dire, ben, si Moody's le recommande, c'est leur job à eux de nous dire qu'est-ce qui est des bons titres financiers. Donc, on peut se fier à eux. Alors, ils se sont fiés à Moody's et à Standard & Poor's. Puis ça a coûté 40 milliards. Puis la Caisse de dépôt, c'est un exemple qui nous a fait mal au Québec, mais il y en a partout dans le monde, et aux États-Unis aussi, de clients. Puis souvent, les clients, c'était des banques, c'était des institutions financières, des compagnies d'assurance, qui ont jeté des titres pourris, dans le fond, les subprimes, on s'en ouais. est rendu compte par la suite, mais en se fiant aux cotes de crédit émises par les deux agences en question. Bon, 800 millions, ça me semble relativement bénin. Ceci étant dit, je ne sais pas quels sont les revenus de la compagnie. Peut-être que pour eux, c'est font quand ben même pitié. Beaucoup. Font oh, ben pitié. Mais Standard & Poor's, vous voyez, c'est une amende de 1,37 milliard. Ouais. Ça paraît plus, déjà un peu mieux. Ouais. Mais donc, il y avait cette nouvelle-là qui était intéressante. Mais moi, ce que je trouve fascinant en même temps, c'est que ça reste qu'il y avait des gens qui étaient conscients de ce qui se passait. Ils savaient qu'ils agissaient de cette façon-là et qu'à un moment donné, l'élastique lâcherait. Oui, exactement. Je pense que ce qui semble se dégager, là, puis dans le fond, ça mériterait une commission d'enquête très rigoureuse pour savoir quels sont les torts des uns et des autres, mais je pense qu'il y a des gens qui étaient attirés par l'appât du gain, puis ont pris des risques, puis ont fait prendre des risques à leurs clients pour se ménager des commissions plus confortables, parce que c'est sûr, plus qu'il y avait de transactions, plus que les courtiers, puis les agents de Standard & Poor's et de Moody's engrangeaient des commissions plantureuses, donc ça faisait un peu leur affaire, mais je pense que c'est des cas qui auraient mérité peut-être une plus grande sévérité, mais surtout à agir beaucoup plus rapidement. Je trouve ça quand même incroyable que ça va faire bientôt 10 ans que ces événements-là sont produits, puis c'est seulement qu'hier qu'on apprend ces pénalités-là. Et surtout qu'on va se relancer là-dedans, en plus, dans pas longtemps. Oui, bien, c'est un peu, ouais. Oui, c'est un peu bizarre que le hasard veut que c'est à peu près au moment où M. Trump va arriver au pouvoir dans quelques jours, et lui-même a annoncé, là, souvent, il a répété qu'il voulait abolir les réglementations qui avaient été mis en place par M. Obama pour l'équipe de M. Obama pour discipliner davantage les milieux financiers de Wall Street. Alors, ouais. C'est comme si on disait, c'est comme si on n'avait rien appris finalement, puis on voulait revenir un certain laxisme là, qui a coûté cher à l'économie mondiale, puis à bien des contribuables, puis à bien des épargnants. On avait d'autres articles, entre autres, parler de Desjardins, mais on va se garder ça pour la semaine prochaine parce que ça va être intéressant. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour la présentation et ta présence aujourd'hui. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, l'économie démystifiée de Jean-Claude Cloutier, un ouvrage, je pense, incontournable. Je vous le dis, c'est un cours d'économie qui se digère, ma foi, très bien. Un indispensable pour votre petite bibliothèque économique, à mon sens. Alors, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Merci donc, Jean-Claude Cloutier, pour la recherche et les commentaires, parce que Jean-Claude a été m'a aidé à préparer l'émission, en fait, beaucoup. Et sera des nôtres, sauf erreur, à peu près chaque semaine jusqu'à la fin de la saison. C'est un honneur et merci beaucoup pour ça, Jean-Claude. Et maintenant, bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Merci donc et à samedi prochain.